relate to. Cause I know at one point or another, in all of our lives, we've all enjoyed a tall glass of Kool-Aid. I had some Kool-Aid the other day, and it was fun. I poured the water on the pile, the colored liquid started to run. It's really intense, took me back, I almost had a flavor heart attack. Brighter than honey, and sweeter than the sun. Better than lemonade, and three times the fun. Yes, ever since I discovered this magic drink, the lights of my brain have gone a blinkety blink. I love my Kool-Aid. I love that Kool-Aid. I got to have my Kool-Aid. Yeah. Huh, if I had a swimming pool, I'd fill it with incredibles. My diving board would be mango and my towel would be strawberries. I'm gonna drink that kiwi lime all the friggin' time. Shoot. I love my Kool-Aid. I love that Kool-Aid. I got to have my Kool-Aid. Some people need that crack cocaine, but all I need to ease my pain is that rainbow colored sugar rush that rocks my brain. Snap. I love my Kool-Aid. I need that Kool-Aid. I got to have my Kool-Aid. Yeah. I see you walk down the street with that soda can. I see you also got the flavor ice in your hand. Is it Sprite? Is it 7-Up? Is it sitting in a paper cup? I got reasons for the things I do. I phone the world while I talk to you. We'll be right back. Chili Gonzalez, telling you, music is mind control. Don't fuck around with it unless you got the skills. Take piano lessons, smoke grass, freestyle with your friends, talk about your enemies behind their back. Analyze my tracks, try to write a fucking melody for once, and quit being such an indie snob pussy. Bonjour tout le monde, c'est toujours Pod Modernisme, 37e édition qui se déroule. On vient de terminer avec Gringo Starr de Gonzalez, ce monsieur qui d'ailleurs va donner un récital d'orgue lors de la première soirée, le gala d'ouverture de Pop Montréal, la 5e édition. Ça se passe à l'église Saint-Jean-Baptiste, 301 Rachel Est. Ça va être en compagnie de Gary Luca qui, lui, va faire la trame sonore du classique de l'expressionnisme de Golem. Et si vous voulez avoir plus de détails ou encore vous procurer des billets pour ces concerts dont je vais vous parler aujourd'hui, toujours le même lien, popmontréal.com. On avait aussi, un peu avant, du Tony Easy qui, cette semaine d'ailleurs, va participer au lancement de Sangue Puro des Georges Leningrad. On a entendu la pièce Cool Aid. Un peu avant, on avait The World Provider, c'était la pièce Hard Feelings. Lui sera en concert au Zoo Bizarre en compagnie de The Tuna Helper, toujours le 4 octobre, je vous le rappelle. Et on a débuté avec les gagnants de la catégorie Inclassable du premier gala de la Gamée qui est organisé par le journal Bang Bang. Les temps liquides, c'était la pièce Il y a plein de trous. C'est eux seront en concert au Balatou, là, au 4372 Saint-Laurent, en compagnie de Tony Easy et de Ivailo. Lui, Ivailo, il a vraiment une histoire assez abracadabrante. Le monsieur gagne sa vie comme musicien, comme bassiste, sur des bateaux de croisière. Alors, si c'est pas quelqu'un qui est chanceux, passe sa vie faire le tour du monde sur des bateaux pour jouer Love Me Do à la basse. C'est incroyable! On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus folk. On va avoir entre autres du Marianne Dissard. On va aussi avoir du Two Gallons et du Katie Moore. Je vous le rappelle une autre fois, podmodernisme@gmail.com pour me laisser des commentaires, podmodernisme.blogspot.com pour visiter le site de la balado. Well, I spent last night in Las Cruces jail, raining hail, born to fail, nobody come for to come my bail, sun don't you rise no more. I shot one man on the county line, took his time and I blew his mind, and I'm just sitting here doing time, sun don't you rise no more. Well, a restless wind is whistling through my window, through my head, through all the strikes that I've survived. And in my hour of darkness, I keep counsel with the dead, just enough to remind me I'm alive. Well, I write to the governor for to hear my plea, but he don't even answer me. Judge said he's gonna set my spirit free, so don't you rise no more. Gavel fell, he chose the day, gallows high, 13th of May, but I don't plan to go that way, so don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed you, and though you're heading slow place I can't respect,

d'abord c'était le chant. Quand il y a eu la pluie, il s'est mis dessous les draps. Il a fait comme chez lui. Mais nous on s'en foutait. Et sous les draps mouillés, on a continué. Et on s'est aimé. La porte s'est ouverte sur ton meilleur ami qui n'y voyait plus clair et qui s'est cru chez lui. Mais nous on s'en foutait. Et dans le lit glacé, on a continué et on s'est aimé. La nuit des coups à la porte, aux fenêtres, des amis de partout, des voisins, des éclairs. Mais nous on s'en foutait. On n'a rien vu, on s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé. Et on est de retour et on est maintenant dans les couloirs des locaux de Pop Montréal. Alors, c'est pas du reportage dans les lieux de l'action, je ne sais pas c'est quoi. Et on est présentement en compagnie de Iris qui, elle, s'occupe de la foire culturelle Plus Pop. Alors Iris, si on pourrait commencer en nous expliquant, tu pourrais expliquer aux auditeurs plutôt de quoi c'est ça, Plus Pop? Alors Plus Pop, c'est la foire culturelle de Pop Montréal qui aura lieu au 4171 L'Esplanade, qui est juste au coin du parc Mont-Royal. C'est une grande foire qui aura un grand marché avec plus ou moins 100 différents artistes qui vont vendre leurs créations. Aussi, on aurait un défilé de mode avec la musique et des projections visuelles. Ça serait lieu le samedi. On va avoir un poster show de Art Pop avec Seripop, Serigraphie 514, Ron Donovan, Emek et Jack Dillon de Montréal. Film Pop va avoir une série de courts-métrages sur les deux jours, le samedi et le dimanche. Aussi, on aura des ateliers pour tous âges. Organisé et donné par des artistes. Si vous voulez tous les détails concernant la foire et les différentes activités qui vont passer, allez sur le site web www.pucces.popmontréal.com et on va avoir un calendrier de toutes les activités avec tout le temps. Aussi, dernièrement, on a aussi une foire scientifique. Oui, ça va être super intéressant. Alors, venez voir, ça va être les deux jours. Toutes les activités vont être disponibles pour les deux jours, de midi à 7 heures, chaque jour le samedi et le dimanche, le 7 et 8 octobre. Bien, merci beaucoup, c'était complet. Mon Dieu, je n'ai pas d'autres questions. Bravo Iris, tu voulais me boucher, tu as réussi. Mais je vais gosser, je vais en trouver une autre. tu as parlé de, des collaborations, les événements satellites de Pop Montréal. Il y a entre autres Film Pop qui va y présenter des courts-métrages, je l'ai déjà dit. Il y a aussi Art Pop qui va avoir des expositions d'affiches. Mais je voulais savoir, la musique dans tout cela, est-ce qu'il va y avoir des artistes qui vont se produire en prestation un peu ce pop? Hein? Réponds! Oui, il va y avoir des artistes. En fait, ça va être le samedi, ça va être un peu plus relax, il va y avoir beaucoup d'activités, mais seulement une couple d'artistes musicaux qui vont jouer pour le défilé, en fait. Alors, on va avoir un 5 à 7 avec les cocktails et tout. Oui, je crois que ça va être People for Audio, mais aussi ça se peut qu'il va y avoir des artistes de Brooklyn qui vont venir. C'est certain qu'ils vont jouer le dimanche. Ces artistes sont Tomorrow's Friend, Barkus Born, Spider. Et aussi de Montréal, il y a Whipped Cream. Manoum, Manoum! Et justement, histoire de faire un pont, on va justement écouter une pièce d'un de ces artistes qui va se produire à Puce Pop. Si vous voulez avoir plus de détails, puce.popmontréal.com. Bien sûr, vu que Puce Pop est un événement branché, il est aussi sur MySpace, myspace.com/pucepop. Alors, avant de retourner en musique, merci beaucoup. Iris? Merci à toi, André. Yeah! C'était People for Audio avec la pièce Conversation in a Minor Tone sur cette 37e édition de Pod Modernisme qui vient de clore cette entrevue avec Iris Tarboski qui s'occupe de la foire culturelle Puce Pop. Un peu avant, lors d'un segment plus folk, on avait Marianne Dissard avec les Drassours. Elle sera en concert à l'Escogriffe, oh oui, un de mes bars préférés ici à Montréal. En compagnie de We Are et de Name Amor. Un peu avant, on avait I Heard That Lonesome Whistle de Katie Moore, qui elle sera en concert avec la muse de Bob Dylan, Ramblin' Jack Elliott, et ainsi que Altok et Jesse Jackson. Ça va se passer à la Fédération ukrainienne. C'est au 5213 Hutchison, coin Fermante. Et on a débuté avec le hit Las Cruces Jail de Two Gallons. Eux seront en concert à la Sala Rossa en compagnie de Damien Jurado et de Geoff Farina. Histoire de terminer ça en beauté, on va y aller avec du Miracle Fortress, projet de Graham Van Pelt qui lui sera en concert, je crois, trois fois pendant Pop Montréal. Une première fois avec son projet Fort Miracle, qui est une version encore plus épurée, de Miracle Fortress. Et ça sera en concert mercredi, le 4, en compagnie de Cousins of Reggae et de Golden Sword. C'est André Péloquin. Je vous souhaite une agréable semaine. La prochaine édition de Pod Modernisme devrait s'en venir la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'ici là, je vous invite à communiquer avec moi par courriel au podmodernisme@gmail.com, Pod Modernisme. Ou encore, visitez mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com.